Ndi onzoto mahaze Namona moto nini na mekana yote Motema nanga ekanga mi motambo na hayo Bape kisa batikala na sonyo Elongi nzoke sangisa ba charme mahaze Ole kante la bato banso bako baluka Kitoke tondi onzoto mahaze Bako mabaemba vraiment na mona teo Mobimba ya moto heto na nzoto n'elegance Ezalili kambo bana mibali wakufaye Bandeko vata la maze na linetie Leki ya mopati bimaze Aleka mibali mite mami kometa wo Mwana ya mama ite maze Bandeko vata la maze na linetie Leki ya charufaye maze Ale kami bali mite mami kobeta e Mwana ya mama ite mama Olingonga na e tokanga na libanga Tobwaka na e bale ya Zaire Masua madinda kala mabima teo Ebi mase libanga ya bolingo na biso Olingonga na e tokanga na libanga Masua madinda kala mabima teo Ebima selibanga ya bolingo na biso Kitoke tondyo nzoto maze Ongenga mafuta wolo na nzoto ye Mobimba ya moto eto na nyonso na bote Kobanda linzaka miso na nsuki ye Abwa kalokolo oyonde nsuka ya demarche Aluka kinchasa mobimba bato wakufaye Bolingo ngana eto kangana libanga Tobwaka na ebale ya Zaire Masua madinda kala mabima teo Ebima selibanga ya bolingo na biso Nzoto maze Ongenga mafuta wolo na nzoto e Mobima ya moto eto na nyonso na bote Kobanda linzaka miso na sukie Abwa kalokolo oyo nde suka ya demarche Aluka kinsasa mobima bato bakufae Bolingongo maze na kokina yo na lingise yo suka sena kobala yo na kolesa yo maze baluki baki misayo na mote ya mosolo maze balongo linda mosala na pufana ngelele maze bakose linga makambo mpona kosa na wele ngo maze na zalina yo na kotikate Suka seba koka mwangai na kobala yo Maze baba kisi yo lokasa ya rouge na elongi ya 5 ans Maze otali bango pamba po makasi ya bolingo nanga Maze olobela kanga nyoso bango bakolo baka kontre nga o Soni bateli les yeux Bateli les yeux Suka seba teli les yeux Bateli miso e ndako ya nganga maze basilisi ka loposo epai tomelaka maze balobi te ngai nakoki na yo te na libalango maze nakoki na yo nalingise yo suka se nakobala yo nakolesa yo maze baluki bakimisa yo na mote ya mosolo maze balongoli nga mosala nakufa na nzala maze bakoseli nga makambo mpo nakota na welengo maze nazali na yo nakotika te suka se nakotika te nakotika te maze babakisi yo lokasa ya rouge na elongi ya 50 maze otali bango pamba mpo makasi ya bolingo nanga maze olobelaka nga nyonso bango bakolobaka kontre nga o soni bateli les yeux bateli les yeux suka se bateli les yeux bateli misonga Je suis à toi, chérie, pense à moi. Oui, je suis à toi, chérie, pense à moi. Oui, je suis à toi, chérie, pense à moi. Oui, je suis à toi, chérie, pense à moi. Oui, je suis à toi, chérie, pense à moi. Oui, je suis à toi, chérie, pense à moi. I love you, baby, touch me. I love you, baby, touch me. Je suis à toi, chérie, pense à moi. Oui, je suis à toi.